الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. On est toujours dans l'année des délégations, l'année où beaucoup de délégations sont venues voir le prophète صلى الله عليه وسلم pour qu'il leur donne certaines prescriptions de l'islam. Et on s'est arrêté à la délégation de Najran, les chrétiens de Najran. Et on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a récité le Coran, il leur a donné des arguments solides comme quoi c'est le prophète, c'est le dernier prophète, et qu'il est venu confirmer ce qui a été révélé à Isa alayhi salam, mais ils n'ont pas voulu le croire. Et conformément au verset qui est dans Surat Imran, فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنْ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas du nombre des sceptiques. Si l'on t'oppose là-dessus des arguments, après ce que t'es venu de science, tu n'as qu'à dire, venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. Comme le prophète sallam a dit, qu'ils n'ont pas voulu croire en lui, il a appliqué ce verset-là et il a ramené le Hassan et le Hussein et Fatima radiallahu anha dans une version, ses autres femmes aussi, et il leur a dit, voilà, on va se livrer à l'exécration réciproque. Qu'Allah atteint de malédiction celui qui est menteur. Et quand ils ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sérieux dans ce qu'il dit, ils se sont consultés les têtes Abu Harith ibn Alqama, Ishrahbil, Al-Ayham ou Ishrahbil et l'autre, les têtes de Najran, de la délégation de Najran, les chrétiens, ils se sont dit, nous savons dans nos écrits que si un prophète ramène des gens et qu'il se livre à l'exécration réciproque, ce qu'on appelle en arabe le Mubahala, celui qui a tort, il ne restera de lui ni poil ni ongle. Allah est l'anéanti. Donc il vaut mieux essayer de trouver une solution réciproque, une solution qui est pour ne pas éviter le mubahala, éviter ça. Et puis après, bon, ils se sont consultés, puis ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, on est d'accord, on ne va pas rentrer en islam, mais on paye le jizya, on paye le tribut. Ils ont accepté de se soumettre aux lois de l'islam et de donner le jizya, le tribut au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut que tu nous envoies quelqu'un qui est digne de confiance. Digne de confiance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, je vais vous envoyer le digne de confiance de cette communauté. Hadith de Abu Hudayfa, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. L'imam Bukhari, 3745. Tous les compagnons s'attendaient, qui est cet homme digne de confiance. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appela Ubayd ibn al-Jarrah radiallahu anhu. Il a dit, celui-là est le digne de confiance de cette communauté. Ça, c'est les mérites de Ubayd ibn al-Jarrah radiallahu anhu. Puis après cette délégation, une autre délégation du Yémen, beaucoup de délégations sont venues du Yémen. L'Ash'ariyin, Najran, une autre délégation avec eux, il y avait un homme qui s'appelle Jarir ibn Abdillah al-Bajali. Jarir ibn Abdillah al-Bajali, il est rentré à Médine, il a agenouillé sa monture et tout, puis il est rentré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est rentré, il a vu du monde en train de le regarder. Tout le monde le regardait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le manbar et lui, tout le monde le regardait. Puis il s'est assis à côté des compagnons. Il lui a dit, serviteur d'Allah, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur moi quelque chose? Il a dit oui. Il lui a dit que du bien sur toi. Et il a dit, il va rentrer de cette porte quelqu'un qui fait partie des meilleurs des gens du Yémen. Et qu'il a l'allure d'un roi, le charisme, si vous voulez, d'un roi, l'un des meilleurs. Le prophète sallam l'a complimenté. Et puis, Jalil ibn Abdillah al-Bazali, il a remercié Allah que le prophète sallam le complimente. Jalil ibn Abdillah al-Bazali, beaucoup de fuqaha, ils prennent de lui, ils tiennent en considération ses hadiths. Pourquoi? Parce qu'il s'est converti que l'année 9 de l'Hijr. Donc tous les hadiths qu'il a rapportés sur le prophète sallam, ils abrogent les hadiths qui étaient avant. Quand un hadith il est rapporté par Jalil ibn Abdillah al-Bazali, ça y est, ils le prennent en considération, et c'est un hadith muhkam et qu'il n'a pas été abrogé. La loi qu'on a pu tirer de ce hadith-là, elle n'est pas abrogée, puisque Jalil ibn Abdillah, il ne s'est converti qu'à l'année 9 de l'Hijr. Et puis le prophète sallam, il l'a appelé, il a dit, tu vas me débarrasser de l'Khulasa. L'Khulasa, c'est quoi? C'est une statue, c'est une idole, Tarot, que les gens adorent. Et le prophète sallam a dit dans un hadith que la taqoumu sa'a hatta tattarib aliyatu al-nisa'i ila dhil khulasa. Le jour du jugement, le jour de la résurrection, ne va avoir lieu que si les femmes vont se précipiter vers dhil khulasa. Ça veut dire qu'il va être adoré après. Il va être adoré avant la venue de l'heure. Comme maintenant ils adorent les tombes et tout ça, c'est ressemble au mushrikine de Quraysh. Il a dit, tu vas me débarrasser de l'Khulasa. Et puis, Jalil ibn Abdillah, lui, d'habitude, il ne se tenait pas sur le cheval. Chaque fois qu'il monte un cheval, il tombe. Et puis, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah pour lui et tout. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Seigneur Allah, raffermis-le et rends-le guide et guidé. Et à partir de ce jour, Jalil a dit, depuis ce jour-là, je ne suis jamais tombé d'un cheval. Et il est parti en compagnie de 150 cavaliers qui sont des cavaliers de Ahmus, d'une région qui s'appelle Ahmus. Et ils ont cassé cette idole-là, ils ont brûlé la demeure de Dil-Khulasa. La tribu qu'il adorait l'appelait le Kaaba, c'était pour eux la Kaaba. C'était une Kaaba pour eux. Et Jalil ibn Abdillah trouva un homme qui fait le tirage au sort, ce qu'on appelle Istiqsam bil-Aznam. Le tirage au sort, on a parlé de ça au début de la Sira, quand il marque dans une flèche, il marque Allah veut, dans une autre Allah ne veut pas, et puis dans la troisième neutre, et puis il met ça dans un sac, et il prend une au hasard, Allah il veut, donc Allah il veut ce que j'ai décidé. Et Jalil ibn Abdillah, il a dit, soit tu casses ces flèches, ou je te coupe ta tête. Il lui demanda de témoigner, la personne, il s'est converti, il a témoigné, il a dit le shahada, et puis il envoya quelqu'un qui s'appelle Aba Artaz pour donner la bonne nouvelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, par celui qui t'a envoyé l'émissaire de Jalil ibn Abdillah, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui t'a envoyé par la vérité, j'ai laissé tel un chameau galeux, c'est-à-dire le temple, tellement il a pris feu, il est devenu ruine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam implora la bénédiction d'Allah pour cet homme-là et pour les chevaux et les cavaliers de Ahmus. Ça veut dire les 150 cavaliers qui sont allés avec Jalil ibn Abdillah. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari 4355 et Muslim al-Haythami Tabarani Ahmed wa Abu Daoud. Il y a un autre hadith de Tamim al-Dari. Tamim al-Dari, c'est un chrétien qui s'est converti à l'islam et qui a raconté une histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de le Messie Dajjal. L'histoire, il se trouve dans Sahih Muslim. Donc celui qui veut lire cette histoire, qu'il regarde dans Sahih Muslim, l'histoire est longue. Et puis il envoya Mu'ad ibn Jabal et Abu Musa al-Ash'ari. Il envoya Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu et Abu Musa au Yémen. Et avant l'envoi d'Abu Moussa, c'est que Abu Moussa, radiallahu anhu, il est venu avec deux cousins à lui. Ils sont allés voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'un d'eux, il a dit, envoyé d'Allah, nomme-moi comme gouverneur. Nomme-moi comme gouverneur dans l'une des provinces dont Allah t'a donné la direction. Et l'autre cousin, il lui a demandé la même chose. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se tourna vers Abu Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu, il dit, qu'en dis-tu Abu Moussa? Et Abu Moussa, il dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, aucun d'eux ne m'en a parlé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il disait, à ce qu'il te demandait de les nommer gouverneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une phrase, il a dit, nous ne donnons pas ces postes à celui qui les bride et qui insiste pour les obtenir. On ne donne pas l'émara à celui qui insiste pour l'avoir. D'accord? Et puis il a dit, c'est plutôt toi, Abu Moussa al-Ash'ari, que je vais envoyer au Yémen. Et puis il envoya pour le rejoindre, Mu'adh ibn Jabal, et il leur transmit le message suivant, il a dit, rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles. Yassirou, wa la tu'assirou, bashirou, wa la tu'naffirou. Et portez la bonne nouvelle et ne rebutez pas les gens. C'est comme ça qu'on doit transmettre, c'est comme ça qu'on doit faire la da'wa. La parole d'Allah, elle est lourde. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. On va descendre sur toi une parole lourde. Donc on ne mélange pas la lourdeur d'Allah avec la lourdeur de donner les mauvaises nouvelles aux gens ou de les rebuter. D'accord? Mélangez ça avec de la sagesse et en portant la bonne nouvelle aux gens. Pour que leur cœur accepte notre da'wah, accepte notre message. D'accord? Il leur a donné, le hadith, il l'a rapporté par l'imam Bukhari, 4341, et puis il recommanda à Mu'ad, le hadith qui est très connu, il a dit, tu vas trouver des gens du livre. Ah, invite-les d'abord à attester que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est son envoyé. S'ils acceptent, informe-les. Fais-leur savoir qu'Allah leur a prescrit 5 prières. Et puis, yawm wa layla, jour et nuit. Et s'ils acceptent cette prescription, annonce-leur qu'Allah leur a imposé la zakat. Une aumône que les riches doivent donner aux pauvres. La zakat. Et il a dit, s'ils acceptent cette imposition, garde-toi bien de toucher à leurs biens. Fais gaffe, ne touche pas à leurs biens précieux. Prends la zakat et ne prends pas autre chose. L'islam, il interdit l'injustice et craint la malédiction de l'opprimé car rien n'arrête son invocation de monter vers Allah subhanahu wa ta'ala, le léser. Donc l'injustice, c'est un péché grave. Hadith rapporté par le Bukhari, 4347. Et Mu'ad, il monta sa monture et le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait sur ses pieds sallallahu alayhi wa sallam, et il ne cessa pas de lui donner des conseils. Puis après, à la fin, il dit à Mu'ad, peut-être que tu ne me verras pas. Peut-être que tu ne me verras pas. Peut-être que quand tu vas revenir à Médine, tu vas passer à côté de ma maison, tu vas passer à côté de ma mosquée et tu vas passer à côté de ma tombe. Et là, Mu'ad radiallahu anhu, il fondit de larmes, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, arrête, ne pleure plus. C'était l'un des signes de l'approche de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant, l'islam, il s'est répandu. Il s'est répandu dans toute la péninsule. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fondé une société musulmane bâtie sur Tawhid, Tawhid Allah subhanahu wa ta'ala khalis, que seul Allah est en droit d'être adoré. Et comment il l'a bâti? Par quoi il l'a bâti? Par deux choses. Par les arguments solides, la révélation qui vient du ciel, et par l'épée. Bu'ithu bis-sayf hatta bu'ithu bayna yaday as-sa'a bis-sayf hatta yu'bad Allahu wahdahu la sharika lahu. Allah il m'a envoyé avec l'épée, jusqu'à ce qu'Allah, l'unique, soit adoré. Donc deux choses. L'épreuve, les arguments évidents, et l'épée. Et on a parlé de ça dans Surah Al-Hadith. Et il l'a envoyé avec ça, alhamdoulilah, il a purifié les gens, il leur a enseigné, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux, un être humain comme eux, un messager de parmi eux, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Donc si on vous demande par quoi Allah il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il l'a envoyé, pour qu'il il nous récite les versets du Coran, pour qu'il nous purifie, notre cœur de tout ce qui est cirque, association, de tout ce qui est de toutes les idées païennes, et purification et aussi enseignement. Et il leur enseigne, wa yu'allimuhum al-kitab wa al-hikma. Et c'est ça qu'on doit faire. Nous, la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il enseigne. Il enseigne, il les éduque pour purifier leur cœur et en même temps, il leur enseigne le Coran et la Sunna. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi litahkuma bayna an-nas bima araka Allah. Et en même temps, pour juger entre les gens par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité pour que tu juges entre les gens selon ce qu'Allah t'a appris et ne te fais pas l'avocat des traîtres. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Nisa, 20 ans d'épreuve, 20 ans de lutte, 20 ans de patience, 20 ans, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu récompenser le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici-bas avant l'au-delà. Il a voulu lui montrer les fruits de son travail. Par les délégations, l'afflux des délégations qui viennent prendre les prescriptions de l'islam, et en même temps, quand il a fait le pèlerinage Hajjat al-Wada, Il a vu 124 000 pèlerins. Ils ont fait le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a vu le fruit de son travail sallallahu alayhi wa sallam. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Lorsque le secours d'Allah ainsi que la victoire lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Quand vient le secours d'Allah, quand vient la victoire, qu'est-ce qu'il te reste? Il te reste que célébrer la louange d'Allah. Ibn Abbas, radiallahu anhu, il a dit, Allah, il a, par ce verset-là, par cette sourate-là, il donne la nouvelle que la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approche. Il a déduit de ce verset, de cette sourate, que la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approche. L'ilm, la science des compagnons, radiallahu anhu. Omar aussi, il a compris ça. Ça y est, la victoire est venue, tu célèbres la louange, ça veut dire que tu vas venir à nous. Na'i al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout ça, c'est des signes de qui montrent l'approche de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il nous reste des prescriptions de l'islam. Qu'est-ce qu'il reste des prescriptions de l'islam? C'est le pèlerinage, le hajj. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré le pèlerinage, il a montré les rites, le manasik, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a révélé? Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum l'islam dina. C'est révélé ça, c'est à Arafat. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous dans Surat al-Ma'idah. Ce n'est pas le dernier verset, de même la Surat al-Ma'idah, ce n'est pas la dernière des sourates, mais c'est parmi les derniers versets qui ont été révélés. Le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut appelé le pèlerinage d'adieu, Hajjat al-Wada, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans le khutbah à Arafat, il a dit, peut-être ne serai-je pas parmi vous après cette année. Et il fut appelé également Hajjat al-Tablir ou Hajjat al-Balagh, le message ou le pèlerinage du message. Parce qu'à cette occasion, il a transmis plusieurs lois. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a annoncé à Médine qu'il va faire le pèlerinage. Qu'il s'apprête à faire le pèlerinage. Il fit ses préparatifs et un grand nombre de compagnons le suivirent. un grand nombre de compagnons le suivirent. Il pria alors, qu'est-ce qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam? Il pria Dhuhr à Médine. Il pria Dhuhr à Médine. Et puis il prépara tous les vêtements, son ihram, il prépara les bêtes qui sont destinées à être sacrifiées à la Mecque, ce qu'on appelle le hadi. Il a mis le collier dans le cou des bêtes qui sont destinées à être sacrifiées, parce que ce qu'on appelle en arabe taqlid wa tash'ir ou l'ish'ar. Taqlid, ça veut dire il met le collier comme quoi c'est un signe que cette bête va être sacrifiée à la Mecque. Et l'ish'ar, c'est qu'ils font le dos de la chamelle par un couteau. Ils font une petite blessure comme quoi c'est sa destination, c'est être sacrifié pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il prit une route, qui s'appelle Tariq Shajara, hadith d'Ibn Omar, rapporté par le Bukhari, 1533. Et il a fait le départ le samedi, selon Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad, samedi 5 jours avant Dhul-Qa'da, 5 jours avant la fin de Dhul-Qa'da, 5 jours avant la fin. C'est-à-dire 5 jours plus tard, Dhul-Hijjah il rentre. Les mois de l'Hajj, c'est quoi? C'est Shawwal, Dhul-Qa'da et Dhul-Hijjah. Pendant cela, c'est la fin de Dhul-Qa'da, il quitte à Médine. Il quitte à Médine, il passa par cette route qui s'appelle la route de l'arbre, Tariq Shajara, et il arrive à Dhul-Hulayfa, ça veut dire le miqat des gens de Médine. Il y a là, Médine, et puis il y a toute cette frontière, c'est miqat. Il y a l'Amlam, le miqat des gens du Yémen. Il y a Qarl Manazil, les gens de l'Est. Il y a Al-Juhfa, c'est le miqat de qui? Des Algériens, des Marocains, des Maghrébins, de l'Égypte et aussi de Cham. Donc, le grand cercle, le grand, c'est le miqat. Le prophète il arrive à ici, Dhul-Hulayfa, au sud de Médine. Dhul-Hulayfa. À Dhul-Hulayfa, qu'est-ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam? Il fait le asr. Combien de rak'at? 2 rak'at. Voyageur. 2 rak'at, sallallahu alayhi wa sallam. Il fait 2 rak'at, et le hadith rapporté par Anas 1546, et il passa la nuit à Dhul-Hulayfa. Il passa la nuit à Dhul-Hulayfa, alors qu'il est juste à côté de Médine, quelques kilomètres de Médine. Il passa la nuit, sallallahu alayhi wa sallam. Le matin, il dit à ses compagnons, quelqu'un me vint de mon Seigneur et me dit, prie dans cette vallée bénite, et dit, Umrah dans le Hajj. Hadith rapporté par Ibn Omar, par Bukhari, 1535. Le Prophète, il a fait ce qu'on appelle le Qur'an, un Qarin. Dans le Hajj, il y a combien? Il y a le Tanatou', il y a le Qur'an, il y a l'Ifrat. Le Qur'an, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va faire Talbiya, qu'il va faire le pèlerinage et la Umrah. Donc il fait la Umrah, mais quand il termine la Umrah, il fait Sa'i, le va-et-vient entre Safa et le Marwa, il ne se désacralise pas, il n'enlève pas ce ihram. Le ihram, il ne l'enlève pas. Il le garde. Il le garde. Jusqu'à ce que viennent les jours du Hajj. Ça veut dire le Arafat et Yom Tarwiya, Arafat et Yom Al-Nahar. Le jour du sacrifice. D'accord? Ça veut dire qu'il garde son ihram. Alors, ça veut dire quoi, Tamatta. L'aisance. Ça veut dire aussi, ça vient de l'aisance aussi. Donc, Tamatta, c'est quelqu'un qui fait la Umrah, il fait Tawaf, il fait Sa'i, le va-et-vient entre le Safa et le Marwa, et il se désacralise, il enlève l'ihram, et il attend. Jusqu'à Yom Tarwiya, il porte le ihram, et il fait Talbiya pour le Hajj. Donc il y a une période de désacralisation, eux, c'est autorisé pour lui qu'il se parfume, qu'il fait beaucoup de choses qui sont interdites pour la personne qui porte l'ihram. Le prophète, il a fait Qur'an, il a fait les deux en même temps, d'accord? Donc il ne se désacralise pas durant quand il rentre à la Mecque. Ce n'est qu'à la fin, qu'après qu'il sacrifie le hadi et il se rase, ce n'est qu'après qu'il se désacralise. Et le Prophète a demandé à ceux qui n'ont pas emmené le hadi, ça veut dire la bête qui est destinée à être sacrifiée, il leur a demandé de faire ce qu'on appelle tamattu'. Donc le Qur'an, c'est pour celui qui يسوق الهدي celui qui ramène les bêtes qui sont destinées à être sacrifiées pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cette personne, il réunit les deux, l'umra et le hajj. Il fait tawaf, il fait sa'i et il reste en état de ihram parce qu'il a ramené les bêtes qui sont destinées à être sacrifiées à Mina. D'accord ? La région de Mina. Donc il a dit, ceux qui n'ont pas ramené de hadi, de bêtes pour être sacrifiées, qu'ils font tamatta. Ils font la umra, ils enlèvent leur ihram et ils attendent jusqu'à ce qu'ils vont à Arafat, ils vont à Muzdalifa et tout. C'est-à-dire ils enlèvent l'ihram et le jour Yom Tarwiyah, ils portent l'ihram et ils font le hajj. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si j'avais au futur à faire un autre pèlerinage, je n'y emmènerais pas le hadi, c'est-à-dire de sacrifice, et il viendrait avec, c'est-à-dire il va venir à la Mecque avec l'intention d'abord d'accomplir la Umra. Il a dit, si j'avais à faire un autre pèlerinage, je n'emmènerais pas de bête pour être sacrifié. Je viens comme ça, je fais talbiya pour la Umra et je me désacralise, j'enlève l'ihram et je fais le hajj. D'accord? Donc les savants ils déduisent de ça que le meilleur hajj c'est le tamattu. Ça veut dire que tu fais la Umra et tu attends les jours du hajj et tu fais le hajj. D'accord? Le hadith rapporte, hadith selon Jabir. Et ils ont dit, Suraq ibn Malik, radiallahu anhu, il a dit, c'est juste pour cette année qu'on fait tamattu et tout. Il a dit, non, c'est pour toujours. Et à jamais. C'est pour toujours et à jamais, répondit le professeur Salam. Donc avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit la prière de Dhuhr, il se lava, il a fait le rosl, et puis sa femme Aïcha radiallahu anha, il l'a parfumé, il a mis le parfum sur le corps et les cheveux, pas sur l'ihram, parce que l'ihram on ne doit pas le toucher avec le parfum, d'accord, et là, il a mis le parfum sur son corps et sur son cheveu jusqu'au point. Aïcha, il dit que je vois le parfum briller entre les cheveux du prophète sallam. Parce que le prophète sallam, il écarte, il fait un trait entre ses deux cheveux comme ça. D'accord? Et il voyait, radiallahu anha, il voyait le musc et le parfum briller. D'accord? Mais l'ihram, non, c'est interdit de toucher, que le parfum il touche l'ihram. Et il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait tahlil, hajj fi umra, pèlerinage, dans le pèlerinage, ça veut dire le Coran. Et il avait ses cheveux, moulabbat, les cheveux étaient collés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'avant de faire le hajj, il collait leurs cheveux par une matière collante, comme par exemple le miel, l'asal. Ils mettent du miel sur leur tête. Parce que bon, il y avait les gens à la Mecque, il y a un mélange de gens et tout, ils risquent que leurs cheveux soient touchés par les poux et tout. Donc ils font ce qu'on appelle talbid. Ils mettent comme une laque sur leur tête. Et sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça. Et hadith d'Ibn Omar, rapporté par l'imam Bukhari, hadith 1540, il a dit, ses cheveux étaient collés, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait tahlil. Il a fait tahlil, ça veut dire labbaik, hajj wa umra. D'accord ? On s'en souvient les deux, il réunit le hajj et l'umra. Si je veux être collé, comme a dit Ibn Omar, radiallahu anhu. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'installa sur sa monture et commence à faire talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Talbiya du pèlerinage. Et il emmena le hadi, il emmena les bêtes qui sont destinées à être sacrifiées. La bek, ça veut dire quoi, la bek? La bek, ça veut dire ça veut dire l'ijaba ou l'iqama. Ça veut dire qa'imun ala ta'atik, ça veut dire je suis prêt à t'obéir et en même temps je réponds oui, si vous voulez. Donc c'est une parole qui veut dire, c'est une parole d'unicité. Ça veut dire, je me dévoue à toi, ô Allah. لبيك لا شريك لك لبيك. Et puis à Dhul Hulayfa, qu'est-ce qui s'est passé? Asma bint Umays radiallahu anha, il a accouché de Muhammad ibn Abi Bakr. Il était enceinte quand il est parti avec tous les pèlerins. Adul Hulayfa, il a accouché de Muhammad, qui est le fils de Abu Bakr Siddiq. On sait que Asma bint Umays, elle était mariée avec qui? Avec Ja'far ibn Abi Talib. Il a émigré avec lui en Abyssinie. Et Ja'far radiallahu anhu, il est tombé martyr dans la bataille de Mu'tah. D'accord? Et après, c'est Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu qui s'est marié avec elle. Et là, il a donné Muhammad ibn Abi Bakr. Et il a envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lave-toi, mets une bande de tissu entre tes jambes et mets une ceinture, serre la ceinture comme ça autour de toi. Et fais ce que fait le pèlerin, fais ce que fait le hajj, le pèlerin, celui qui fait le bien pour le hajj. Sauf qu'il ne fait pas tawaf autour de la Kaaba. C'est-à-dire le fait de stationner, de s'arrêter à Arafat et tout était permis pour elle. C'est-à-dire il garda l'ihram, c'est-à-dire il porte l'ihram et il le garde, bien qu'il a accouché. Et comme j'ai dit, donc, il a fait sallallahu alayhi wa sallam talbiya hadith de Jabir qui est rapporté par l'imam muslim. Et puis arrivé à Dotoa, ça veut dire un chemin, là il s'approche à Dotoa, c'est-à-dire à mi-chemin, ou même plus proche de la Mecque. La Mecque c'est là, et Médine c'est là, arrivé à Dotoa. Il est arrivé à Dotoa sallallahu alayhi wa sallam, il campa, il fit halte à cet endroit, et il passa la nuit. Il passa la nuit dans cette région qui s'appelle Dotoa. Certains ont eu l'intention de faire la Umra, et d'autres le Hajj. D'accord? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui n'a pas amené de hadi, d'animal destiné à être sacrifié, a voulu faire la Umra, qu'il le fait, celui qui a ramené le hadi, qu'il fait le hajj dans la Umra, ou la Umra dans le hajj. Hadith de Aïcha. Et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, n'ont pas ramené de hadi, et ils ont eu l'intention de faire la Umra. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté au hajj la Umra, pourquoi? Pour contredire ce que prétendaient les Quraysh, les gens de la Jahiliyyah, parce que les gens à l'époque de la Jahiliyyah, ils disent que la Umra ne doit pas être accomplie durant les périodes, durant les mois de l'hajj. D'accord? Il doit être accompli en dehors des mois du pèlerinage. Et que le fait d'accomplir la Umra durant cette période-là, c'est une grande transgression. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a volontairement eu l'intention de faire le hajj et la Umra pour contredire et pour annuler cette mauvaise tradition. Parce qu'il disait comme le... il disait que si le dos des chameaux, si le dos des chameaux est guéri des frottements des bagages qui sont dessus à cause du pèlerinage, et que les traces elles disparaissent, soit les traces des blessures ou les traces qu'ont laissé les chameaux, la Umra devient illicite pour que celui qui veut la faire. Et que le mois de Safar ait fut écoulé, la Umra, ce n'est que maintenant que la Umra est illicite pour les gens. D'accord? Parce qu'ils font le pèlerinage et ils attendent. À la fin du pèlerinage, ils attendent que le dos des chameaux soit guéri, que les traces s'anéantissent, et puis ils disent c'est des camps, quand le mois de Safar s'écoule. À la fin du mois de Safar, ils disent ce n'est que maintenant que c'est autorisé qu'on fasse la Umra. Et le prophète sallam, il a abrogé cette loi-là. Sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà abrogé ça durant les anciennes Umra, parce qu'il a fait combien de Umra, sallallahu alayhi wa sallam? Il a fait 4. Il a fait le Hudaybiyah, c'est compté comme Umra. Et il l'a fait à Dhul Qa'da. Et il a fait Umra Dhul Qa'da, la Umra de la compensation, et il a fait Umra Zuhurana. Il l'a fait quand il a fait Tawaf la nuit, et il a quitté la nuit. Et il les a fait pendant Dhul Qa'da. Et la quatrième Umra, c'est celle liée à son pèlerinage, à son hajj. Et les kuffars de Quraysh, à l'époque de la Jahiliya, ils mettaient Safar à la place de Muharram, n'est-ce pas? On a parlé de ça. On a dit qu'ils mettaient Safar, les mois sacrés, c'était Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Muharram et Rajab. 4 mois sacrés. Il y a 4 mois sacrés, il y a 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم 4 mois sacrés 4 mois où il est interdit de combattre. Donc ذو القعدة ذو الحجة ذو القعدة 5 mois sacrés ذو الحجة 5 mois sacrés et Muharram juste après un mois sacré 3 mois successifs. Les koufars de Quraysh et les tribus environnantes et tout, ils ne peuvent pas attendre 3 mois sans combattre parce qu'ils vivaient avec ça, les guerres tribales et tout. Ils ne peuvent pas se tenir, il y a la question de rançon, de sang et tout, de conflit entre les tribus, ils ne peuvent pas attendre 3 mois pour... ce n'est qu'après 3 mois qu'ils peuvent se venger. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? À la place de Muharram, ils ont mis Safar. 2 mois, ça suffit. Bon, c'est pas Muharram, c'est Safar, c'est autorisé qu'on s'attaque à la tribu à côté parce qu'il a tué telle personne, etc. Et ils ont changé ça. Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans sourate Bara et il dit إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما أحل الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Allah a légiféré une loi, il ne faut pas changer cette loi. C'est du kufr de changer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a légiféré, il a jugé que les 3 mois sont successifs, donc ne mettez pas un mois sacré à la place d'un mois profane. Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Par là, les mécréants sont égarés. Une année, ils le font profane, et une année, ils le font sacré, afin d'ajuster le nombre de mois qu'Allah a fait sacré. Ainsi rend-il profane, liyuhillu ma harram Allah, ainsi rend-il profane ce qu'Allah a fait sacré. Leurs méfaits leur sont enjolivés, et Allah ne guide pas les gens mécréants. Wallahu la yahdi al-qawm al-kafir. Le fait de faire ça, le report, c'est un kufr, c'est une mécréance. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a abrogé ceci. Il passa la nuit à Dotoa. Le matin, il fait la prière de Sobh, et il fait le rosl. Il s'est lavé. Et ce rosl-là, c'est quoi? C'est un rosl pour... Le lavage, c'était pour tawaf. C'est le rosl de tawaf. Il a fait le rosl. Hadith d'Ibn Omar rapporté par le Bukhari, 1573. Et c'était maintenant, on est maintenant à dimanche, c'était un dimanche 4 de l'Hijja. Donc 5 jours avant, et le 4e jour de l'Hijja, donc il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, à peu près 8 jours de trajet. 8 jours. 8 jours de trajet. Entre la Mecque, la Médine et Dotoa. Il a fait le rosl, comme on a dit, le rosl c'est une sunna pour le tawaf. Et il rentra, sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque. Il rentra alors qu'il faisait jour. Il rentra à la Mecque alors qu'il faisait jour par le haut de la ville. Par le haut, le nord. Le haut de la ville, ici. Par là. Le jour. Il rentra à la Mecque. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait la première chose? Avec son ihram, toujours. Avec son... Il fait tawaf autour de la Kaaba. Il a fait l'Ittiba', ça veut dire il a découvert l'épaule droite, et il a fait Raml, ça veut dire il a pressé les pas durant les 3 premières tournées de Tawaf. On a parlé de ça. On a parlé de ça durant la Umra, de la compensation, quand tous les habitants de la Mecque se sont retirés de leurs habitations, et ils ont laissé le prophète sallam faire la Umra. C'était durant la période de la trêve de l'Hudaybiyah. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont propagé une rumeur comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons sont atteints d'une fièvre, de la fièvre de Médine, et qu'il vaut mieux les quitter, ne pas les toucher, ne pas s'approcher d'eux. Ils étaient mécréants à l'époque, c'est avant la prise de la Mecque. Parce qu'il vaut mieux s'éloigner d'eux, parce qu'ils risquent de contaminer les Quraysh, les habitants de la Mecque. Et tout le monde a quitté leur habitation et ils sont retranchés dans les loin sur des montagnes. Ils regardaient de loin le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les compagnons. Et Allah subhanahu wa ta'ala a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam des rumeurs qu'ils ont propagées. Et il a dit qu'Allah accorde sa grâce à quiconque leur fait voir aujourd'hui de sa force. Et il a dévoilé l'épaule, il a montré l'épaule. Et dans le tawaf, il presse les pas. Et ça, une personne malade, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Donc il presse les pas comme ça. Quand il est entre le rock et le Yémen, les deux côtés du Yémen, ça veut dire le côté où il y a la pierre noire et l'autre côté du Yémenite, il presse les pas. Mais quand il passe de l'autre côté, il marche normalement. Il marche normalement. Parce que les côtés yéménites, les kofars le regardaient. Quand il passe de l'autre côté, il marche normalement. Une ruse contre les mécréants. Mais quand il est venu là, dans ce pèlerinage-là, il a fait ramet, ça veut dire il a pressé les pas durant les trois tournées, entièrement, c'est-à-dire du côté du Sham et du côté Rokn al-Yamani, ça veut dire tout autour, toute la circonférence, il l'a fait en pressant les pas durant les trois premières tournées, d'accord. Et les quatre, il les a fait normalement, sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar radiallahu anhu, quand il a voulu embrasser la pierre noire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je sais que tu n'es qu'une pierre. Tu ne peux ni attirer un profit, ni repousser un mal. Et si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Il ne peut ni nuire, ni... Allah nous a demandé de l'embrasser, on l'embrasse. Mais qu'elle va attirer, qu'il y a la baraka dans cette pierre, ou comme ce que font les ignorants, il faut que ça coule pour qu'il y ait de la baraka dans leurs mains, ou qu'ils prennent de la terre de la Mecque et ils les ramènent chez eux. Ça, c'est l'héritage de la mécréance, des kofars de Quraysh. Parce que les tribus qui étaient autour de la Mecque, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent soit une statue de la Mecque et ils la ramènent chez eux pour l'adorer. S'ils ne trouvent pas, ils prennent une pierre, ils prennent du sable et ils la ramènent chez lui et ils adorent ça. Pareil que les jahiliens de maintenant, ils prennent la terre et ils la ramènent chez lui pour... ils cherchent la bénédiction. Ça ne peut rien lui donner. Ça c'est le jahiliya. Omar radiallahu anhu l'a dit, je sais que tu ne peux ni nuire ni profiter. C'est une adoration pure et simple. Je l'ai vu le faire, je fais comme lui. Soumission totale devant la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et soumission devant l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait saï, le va-et-vient, l'aller-retour, le va-et-vient entre Safa et le Marwa. Entre Safa et le Marwa, les musulmans, ils trouvaient un gêne de faire le va-et-vient entre Safa et le Marwa. Pourquoi? Parce que les idolâtres, ils ont mis Isaf et Naïla, la statue de Isaf et la statue de Naïla. Une sur un monticule, le monticule de Safa, et l'autre statue sur le monticule de Marwa. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les idolâtres? Ils font Saï, c'est un héritage des rites de Ibrahim, mais ils ont mélangé ça avec les innovations. Ils vont jusqu'à Isaf, la statue de Isaf, et ils s'essuient contre Isaf. Et quand ils arrivent le Marwa, ils trouvent Naïla, et ils s'essuient contre Naïla. La statue de Naïla. Et les musulmans quand ils regardaient les idolâtres faire ça, ils ont dit il vaut mieux qu'on ne le fasse pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla inna as-safa wal marwata min sha'a'irillah. Faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khayran fa inna Allah shakirun 'alim. Allah dit dans sourate Al-Baqara, as-safa et al-marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc quiconque fait le pèlerinage à la maison ou fait la Umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts. Donc Allah subhanahu wa ta'ala recommanda aux musulmans de faire tawa, de faire sa'i, le va-et-vient entre Safa wal Marwa. Wa subhanakallahu bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.